Quand on veut se payer une bonne bouffe, c'est le restaurant Midas où il faut aller. La pizza, les hot dogs qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert avec tous les budgets, dans un décor spacieux et très aéré. Et surtout, un personnel courtois qui vous offre un service rapide. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Danny et tout le personnel souhaitent la meilleure des chances au comité organisateur des championnats canadiens de vélo de montagne et invite toute la population à participer aux différentes activités. Tous les jeudis, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel! Salut Danny. Michel, avant de parler de ce qui se passait à Chibougamau, j'ai parlé avec Pierre-Alexandre, bonne entrevue avec Pierre-Alexandre Bédard, puisqu'il a participé aux qualifications actuelles pour le US Open, c'était sa première expérience, puis il m'a confié hier qu'il mettait une pause, il faisait une pause à ses études pour se consacrer uniquement au golf à partir du mois de septembre, donc ça commence à ressembler un petit peu à Kevin Fortin-Simard. Question que je veux te poser, Kevin, il y a eu une espèce de fondation pour le venir en aide. Je pense que les hommes d'affaires avaient ramassé 500 000 $ et on s'entend pour dire que c'est probablement le plus beau potentiel depuis Kevin qui est sorti de la région. Est-ce qu'à Chibougamau, on commence à se parler qu'il y a une fondation qui pourrait venir en aide à Pierre-Alexandre? Parce que lui, là, il m'a confié qu'il veut faire un petit peu le tour des États-Unis, un peu comme Kevin l'a fait, là. Oui, c'est sûr qu'il veut suivre sensiblement le même chemin. Donc, effectivement, il a décidé de se consacrer à plein temps à la possibilité de devenir un joueur de golf professionnel. Ouais. Au niveau monétaire, ses proches, dont ses parents, sont à évaluer les possibilités, justement, des différentes façons de trouver un financement pour lui donner ce coup de main-là qu'il a besoin pour les deux prochaines années. OK. Ça peut valoir comment, hein? Est-ce qu'on évalue un petit peu, parce que ça ressemble pas mal à Kevin, son histoire, là. Kevin, je pense qu'il a fait ça pendant 3 ans de temps. On évalue ça à combien, à peu près? Dans le moment, avec les contacts que Pierre-Alexandre a, principalement dû à son instructeur, il peut bénéficier de certains avantages. Exemple, ils sont 4 ou 5 dans une maison en Floride pour une période de 4 à 6 semaines. Donc, ça va lui permettre de couper les dépenses dans certaines régions et pour certaines périodes. Okay. Ce qu'on semblait me dire, c'est que annuellement, ça allait tout de même représenter des dépenses entre 50 et 75 000 $. OK. Donc, 50 à 75 000 $. Donc, c'est sûr que, bon, il peut faire ça pendant un certain temps. Puis, parce que lui, il est bien entouré. Hein? Ce qu'on a reproché un petit peu à Kevin, puis ça, je vais faire une entrevue avec la semaine prochaine, probablement, c'est que Kevin, son entourage, souvent, il était tout seul. Tandis que lui, il y a un psychologue sportif, il y a un cadet qui est avec lui. Il est mieux entouré que Kevin était, je pense, dans le temps. Hein? Moi, il fait partie un petit peu d'un regroupement. Ouais. Avec son instructeur, qui est le professionnel du club de Cap-Rouge. Donc, ils ont déjà plusieurs, là, avec le même instructeur. Donc, c'est plus facile d'avoir un encadrement. C'est plus facile d'avoir des personnes ressources. Puis, à date, en tout cas, ça semble fonctionner très bien pour Pierre-Alexandre. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y avait une Coupe des champions la semaine passée, hein? Oui, il y avait une Coupe des champions. Puis, en classe A, Martin Chiasson a gagné après le premier trou de prolongation à 77. En classe B, Olivier Filion avec 79. Puis, en classe B, Bernard Lavertu avec 85. Prochaine coupe, c'est quand? Prochaine coupe va avoir lieu samedi de la semaine prochaine, okay. Le 25 juillet. Okay. Ça va être la dernière avant la finale qui va avoir lieu l'autre fin de semaine, soit le samedi 1er août. 1er août, donc samedi le 1er août. Donc la dernière, c'est la semaine prochaine en fait. Là. Y avait-il d'autres choses? Je sais que quand je t'ai appelé la semaine passée, tu étais dans le gros tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a bien été, j'imagine, ce tournoi-là? Ça a super bien été. Il y avait tout près de 200 joueurs. Okay. C'était au profit des jeunes de Ojibwe. Okay. Et les organisateurs étaient très satisfaits. Okay. Aujourd'hui, ce sont les gens de la communauté de Mistissini, puis on attend aussi environ 225 joueurs pour ramasser des fonds pour les jeunes de Mistissini. Il y a beaucoup de pauvreté là-dedans, je pense, dans ces réserves-là. Hein. Des programmes sociaux, pas des programmes sociaux, mais des problèmes sociaux, il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est sûr. Puis donc, un des objectifs, c'est de garder les jeunes le plus actifs possible, okay, les maintenir en bonne condition, puis leur permettre justement d'avoir un sain développement. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ramasse des fonds, okay, avec des campagnes de levée de fonds, comme le tournoi bénéfice d'aujourd'hui. Puis là, en fin de semaine, je pense que vous accueillez la grosse gomme du de circuit régional, hein? Exactement. Ouais. Chez nous, c'est dimanche, c'est le field day. Okay. À date, on a une quarantaine de joueurs de confirmés. Excusez, donc une vingtaine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et une vingtaine de Chibougamau. Les meilleurs, quoi, ils viennent-tu les meilleurs de la région? Ceux qui dominent dans le moment, ouais, là, au niveau régional, sont présents à Chibougamau en fin de semaine. OK, OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Ben, Michel, gros merci. On se reparle, jeudi prochain, en cas de la chronique du club de golf de Chibougamau. Ben voilà, c'était Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Chibougamau.